Néhémie chapitre 7. Or, après que la muraille fut rebâtie, et que j'eus mis les portes, et qu'on eut fait une revue des chantres et des lévites, je commandai à Hanani, mon frère, et à Ananja capitaine de la forteresse de Jérusalem, car il était tel qu'un homme fidèle doit être, et il craignait Dieu plus que plusieurs autres. Et je leur dis, que les portes de Jérusalem ne s'ouvrent point jusqu'à la chaleur du soleil, et quand ceux qui se tiendront là auront fermé les portes, examinez-les, et composez des gardes d'entre les habitants de Jérusalem, chacun selon sa garde, et chacun vis-à-vis de sa maison. Or la ville était spacieuse et grande, mais il y avait peu de peuple, et ses maisons n'étaient point bâties. Et mon Dieu me mit au cœur d'assembler les principaux et les magistrats, et le peuple, pour en faire le dénombrement selon leur généalogie, et je trouvai le registre du dénombrement selon les généalogies de ceux qui étaient montés la première fois, et j'y trouvai ainsi écrit. Ce sont ici ceux de la province qui remontèrent de la captivité, d'entre ceux qui avaient été transportés, lesquels Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait transportés, et qui retournèrent à Jérusalem et en Judée, chacun en sa ville. Qui vinrent avec Zorobabel, Jésua, Néhémie, Azarja, Rahanja, Naamani, Mardoché, Bissan, Mitzpéret, Bigvaï, Néom, et Baana, le nombre, dis-je, des hommes du peuple d'Israël est tel. Les enfants de Paro, 2172. Les enfants de Sephadja, 372. Les enfants d'Ara, 652. Les enfants de Pahath Moab, des enfants de Jésua et de Joab, 2818. Les enfants d'Élam, 1254. Les enfants de Zatu, 845. Les enfants de Zakaï, 760. Les enfants de Binui, 648. Les enfants de Bébaï, 628. Les enfants d'Asga, 2322. Les enfants d'Adonikam, 667. Les enfants de Bigvaï, 2067. Les enfants d'Adin, 655. Les enfants d'Athé, issus des Échia, 98. Les enfants de Hazom, 328. Les enfants de Betsaï, 324. Les enfants de Hari, 112. Les enfants de Gabaon, 95. Les gens de Bethléem et de Netopha, 188. Les gens d'Anatoth, 128. Les gens de Beth-Azmaveth, 42. Les gens de Kirjat-Jéharim, de Képhira et de Béroth, 743. Les gens de Rama et de Geba, 621. Les gens de Mikma, 122. Les gens de Bethel et de Haï, 123. Les gens de l'autre Nebo, 52. Les enfants d'un autre Élam, 1254. Les enfants de Harim, 320. Les enfants de Jéricho, 345. Les enfants de Lo, d'Adi et d'Ono, 721. Les enfants de Sénaa, 3930. Des sacrificateurs, les enfants de Jedaja, de la maison de Jésua, 973. Les enfants d'Imé, 1052. Les enfants de Passur, 1247. Les enfants de Harim, 1017. Des Lévites, les enfants de Jésua et de Cadmiel, d'entre les enfants de Deba, 74. Des chantres, les enfants d'Azaph, 148. Des portiers, les enfants de Salom, les enfants d'Athé, les enfants de Talmon, les enfants d'Akub, les enfants de Sbatita, les enfants de Sobaï, 138. Des Nétiniens, les enfants de Tsia, les enfants de Azufa, les enfants de Tabaoth, les enfants de Kéro, les enfants de Sia, les enfants de Padon, les enfants de Lébana, les enfants d'Agaba, les enfants de Salmaï, les enfants de Hanan, les enfants de Guidel, les enfants de Gar, les enfants de Réaja, les enfants de Retsin, les enfants de Nekoda, les enfants de Gazam, les enfants d'Uza, les enfants de Pazéa, les enfants de Bézaï, les enfants de Méunim, les enfants de Néphizézim, les enfants de Bagbu, les enfants d'Akufa, les enfants de Harur, les enfants de Batslit, les enfants de Meïda, les enfants de Harsa, les enfants de Barco, les enfants de Sisra, les enfants de Théma, les enfants de Netsia, les enfants d'Atifa, des enfants des serviteurs de Salomon, les enfants de Sotaï, les enfants de Sopheret, les enfants de Périda, les enfants de Jala, les enfants de Darkon, les enfants de Guidel, les enfants de Sephadja, les enfants d'Akil, les enfants de Pocheretat Sebajim, les enfants d'Amon. Tous les Nétiniens, et les enfants des serviteurs de Salomon, étaient 392. Or ce sont ici ceux qui montèrent de Tel Mela, de Tel Arsa, de Chérub, d'Adon et d'Imé, lesquels ne purent montrer la maison de leur père, ni leur race, pour savoir s'ils étaient d'Israël. Les enfants de Delaja, les enfants de Tobija, les enfants de Nekoda, 642. Et des sacrificateurs, les enfants d'Abaja, les enfants de Ko, les enfants de Barzillaï, qui prit pour femme une des filles de Barzillaï, Galaadite, et qui fut appelée de leur nom. Ils cherchèrent leur registre en recherchant leur généalogie, mais ils n'y furent point trouvés, c'est pourquoi ils furent exclus de la sacrificature. Et Atiersata leur dit, qu'ils ne mangeassent point des choses très saintes, jusqu'à ce que le sacrificateur, assista avec l'Urim et le Thummim. Toute l'assemblée réunie était de 42 360, sans leurs serviteurs et leurs servantes, qui étaient 7 337, et ils avaient 245 chanteurs chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux, et 6 720 ânes. Or quelques-uns des chefs des pères contribuèrent pour l'ouvrage. Atiersata donna au trésor 1000 drachmes d'or, 50 bassins, 530 robes de sacrificateurs. Et quelques autres d'entre les chefs des pères, donnèrent pour le trésor de l'ouvrage, 20 000 drachmes d'or, et 2 200 mines d'argent. Et ce que le reste du peuple donna, fut 20 000 drachmes d'or, et 2 000 mines d'argent, et 67 robes de sacrificateurs. Et ainsi les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, quelques-uns du peuple, les Nétiniens, et tous ceux d'Israël, habitèrent dans leur ville, de sorte que quand le septième mois approcha, les enfants d'Israël étaient dans leur ville.